Ok. Bon, en fait, on vous a commenté une petite surprise. C'est une reprise Terry Banks. Ouais! Mais plus de chansons. Si, ouais.